Troisième partie, chapitre 26, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 26, du discours et premièrement, comment il faut parler de Dieu. Les médecins prennent une grande connaissance de la santé ou de la maladie d'une personne par l'inspection de sa langue. Et je puis dire que nos paroles sont les vrais indices des bonnes ou des mauvaises dispositions de notre âme. « Par vos paroles, dit le Sauveur, vous serez justifiés, et par vos paroles, vous serez condamnés. » Nous portons souvent et soudainement la main sur la douleur que nous sentons et la langue sur l'amour que nous avons dans le cœur. « Si donc vous aimez bien Dieu, Philothée, vous parlerez souvent de Dieu dans vos entretiens familiers avec vos domestiques, vos amis et vos voisins. « Oui, dit l'Écriture, la bouche du juste sera remplie de ce que la sagesse lui aura fait méditer, et la justice se servira de sa langue pour prononcer ses oracles. Parlez donc souvent de Dieu, et vous éprouverez ce que l'on dit de saint François, qui, en prononçant seulement le saint nom du Seigneur, sentait son âme toute pénétrée d'une suavité si abondante que sa langue même et sa bouche en recevaient de très douces impressions. Mais parlez de Dieu comme de Dieu, c'est-à-dire avec un vrai sentiment de respect et de piété, et n'en parlez pas ni d'un air de suffisance, ni d'un ton de prédicateur, mais en esprit de charité, de douceur et d'humilité. Imitez en ce point l'épouse des cantiques, faisant couler du miel délicieux de la dévotion et le goût des choses divines dans les cœurs. Et priez Dieu secrètement qu'il lui plaise de répandre cette rosée sur l'âme des personnes qui vous écoutent. Surtout, ne leur parlez pas par manière de correction, mais par manière d'inspiration, et comme les anges, c'est-à-dire avec une douceur tout angélique, car il est surprenant de voir combien l'attrait des bonnes et saintes paroles, que l'esprit de suavité fait bien assaisonner, est puissant sur les cœurs. Ne parlez donc jamais de Dieu, ni de la dévotion par manière d'acquis et d'entretien, mais toujours avec attention et dévotion, et je vous le dis, pour vous précautionner contre une dangereuse vanité, à laquelle plusieurs personnes qui font profession de piété se laissent surprendre, c'est de dire à tout propos beaucoup de saintes et ferventes paroles, par forme de discours et sans aucune attention. Et après cela, l'on croit que l'on est tel que ces paroles le peuvent faire penser aux autres, et malheureusement, cela n'est pas. Fin du chapitre 26, troisième partie.